France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, 100e épisode. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 23 décembre 2007, 11h06, 100e épisode. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es navire amiral du groupe Radio France. Tu es 01 45 24 7000. Tu es 17 21 avenue du Général Mangin. Tu es 87.8 à Paris ou 105.4 à Gros-Bout-de-les-Bains. Tu es prof abonné à Télérama ou prof abonné à Télérama. Et tu es aussi... Ami drogué, bonjour. Je vous l'ai dit l'autre jour, et je vous le répète aujourd'hui, le féminisme, ça rend sourd. Avaler, ça va vous déboucher les oreilles. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu écoutes la différence. Tu es France Inter. Alors, le 11 septembre 2005, à 11h05, débutait sur les ondes de France Inter la panique au Mangin Palace. Et ce matin, le 23 décembre 2007, nous en sommes au 100e épisode, grâce à ta fidélité et à ce que nous offre cette magnifique radio, pas tout à fait comme les autres. C'est pourquoi l'équipe du Mangin Palace a décidé aujourd'hui, durant 53 minutes, de consacrer entièrement cette émission à ta radio, à France Inter. Et pour commencer d'ailleurs, de la Maison Ronde à l'avenue du Général Mangin, nous retracerons l'histoire de ta radio préférée. Ensuite, durant quelques minutes, nous nous souviendrons ensemble de quelques moments forts associés à des voix inoubliables pour une authentique séquence de nostalgie interrienne. Et dans la foulée, justement, nous t'offrirons un petit florilège des perles de l'antenne avec notamment cette curieuse histoire de pommes de terre à poil. Et puis, figure-toi, nous avons appris que le premier fan de France Inter, c'est Nicolas Sarkozy, dis donc. Il écoute, paraît-il, notre radio en boucle toute la journée, le bougre. Eh bien, pour toi, nous avons recueilli son point de vue sur l'ensemble des programmes de la chaîne. Et enfin, la semaine dernière, nous avons accueilli ici même, dans les couloirs du Mangin Palace, deux auditeurs très particuliers. La Monique et le Jean-Claude, venus à la rencontre de leur producteur vedette. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, mais ne brouille pas l'écoute. Did you dare? Video Killed the Radio Star. C'est le triste constat que faisaient les Buggles en 1979. La télé aurait donc tué les stars de la radio. Non, mais c'est faux ça. Parce que si tu es moche et que tu veux devenir célèbre, tu n'as pas besoin d'avoir une belle gueule pour parler à la radio. Alors ce matin, c'est donc le 100e épisode de la panique au Mangin Palace, cette machine archiloufoque et total foutraque qui est très fière de squatter les ondes de France Inter. Et d'ailleurs, pour commencer cette émission anniversaire, il n'est pas inutile de revenir durant quelques minutes sur les origines de ta radio préférée. Après la Seconde Guerre mondiale, le paysage radiophonique est profondément chamboulé. Les émetteurs sont détruits et pour les Français, la vraie radio tricolore, c'est la BBC. Parce que pendant l'occupation... Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. C'est dans le contexte de la libération que l'État instaure en 1945 son monopole sur les transmissions radiophoniques. Ainsi, la RDF, la radiodiffusion française, propose deux grandes chaînes, un programme national et un programme parisien. Et en 1947, profitant d'un émetteur abandonné par l'armée américaine, une nouvelle station apparaît, c'est Paris Inter. Vous êtes au courant pour cette nouvelle radio ? Hein ? Ah, oui, tout le monde. Enfin... Une radio que personne ne connaît, qui surgit de nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre ? Je me battrai contre des montagnes s'il le faut pour te conquérir. J'affronterai avec force et courage l'univers pour t'appartenir. Allume ta radio, chez toi je m'installe. J'envahis ta maison, c'est ce que réussit à faire Paris Inter dès 1952, quand la chaîne est diffusée à partir de l'émetteur d'Alouy, deux pylônes de 350 mètres qui sont aujourd'hui encore la structure la plus haute sur le territoire français. Et sous la République gaulienne, la chaîne se structure. Elle prend le nom de France 1, puis de RTF Inter, et au même moment, en 1963, la station déménage. En commençant cette édition de l'Interactualité, je voudrais vous signaler, amis auditeurs, une petite révolution qui prélude à la grande, celle de dimanche. Dans un peu plus de 4 heures, nous allons abandonner cette maison, notre centre Maurice Bourdet, du 118 des Champs-Élysées, et tout spécialement ce studio 45 au 4e étage, qui a vu la naissance et la libération de Ce Soir en France et ses prolongements Paris vous parle, et plus récemment Interactualité. Pour les journalistes de France 1, ce studio 45, avec son piano et ses cartes postales humoristiques, épinglé par nos amis techniciens, aura été pendant de longues années le quartier général des quatre grands rendez-vous quotidiens d'Interactualité, quatre fois par jour derrière cette triple vitre qui les sépare. Techniciens, assistantes et journalistes auront connu les mêmes angoisses lorsque New York, Brazzaville ou même plus simplement une voiture radio quelque part dans Paris ne répond pas. Demain matin, nous vous parlerons de notre nouveau studio, celui du Quai de Passy, celui de la Maison de la Radio. Dimanche, c'est donc dans un cadre nouveau que France 1 se transformera tout naturellement en RTF Inter, en réussissant le miracle de vous offrir 28 heures de programme par jour, 28 heures de programme que vous pourrez écouter à la fois sur onde courte, sur onde moyenne, sur onde longue et sur modulation de fréquence. RTF Inter déménage donc en 1963 à la Maison Ronde, avenue du président Kennedy. Et là, un grand concours est lancé auprès des auditeurs pour choisir le nouveau nom de leur station. RTF Inter devient dès lors France Inter, qui diffuse donc ses émissions en grandes ondes et en modulation de fréquence toute la journée et la nuit aussi. 24 heures sur 24, la vie serait bien dure si l'on n'avait pas le pop club avec José Arthur. Et j'ose écouter la différence sur France Inter pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, car écouter, ça n'a rien à voir, puisque le cerveau n'a rien contre un peu d'exercice. France Inter s'impose donc dans le monde radiophonique et se distingue de ses copines par son ton original, par sa grande diversité de programmes et par une absence de publicités intempestives. De quoi rallier des auditeurs fidèles. Des parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Le chauffage à 17, pourquoi pas? Mais bon, si tu préfères 18 ou 19 degrés, ce n'est pas un problème. Parce qu'ici, on aime la différence. Et cette année encore, nous sommes très nombreux à aimer France Inter. C'est en tout cas ce que nous ont appris les sondages de Médiamétrie en novembre dernier, où France Inter a poursuivi sa progression et a réalisé sa meilleure rentrée depuis 2003. Merci encore à toi, car tous les matins, tu te réveilles quand on vient chanter dans ton oreille le transistor sur France Inter. Tous les matins, je me réveille quand vient chanter à mon oreille le transistor de mon voisin qui matinal se met en train en écoutant Intermatin. Et ça me donne du courage pour descendre de mon nuage. À mon tour, je prends la radio et me voilà tout aussitôt dans le vent et dans le tempo. France Inter, France Inter, jour et nuit, c'est la radio que je préfère. France Inter, oui c'est le programme radio que je préfère. Chaque jour comme une compagne, c'est ma radio qui m'accompagne. L'animateur comme un ami vient chasser ma mélancolie quand je suis seule, quand je m'ennuie. Jour et nuit, c'est la radio que je préfère. France Inter, oui, c'est le programme radio que je préfère. Comme tous les conducteurs, j'écoute en voiture inter-service route. Pour rouler, je ne m'en fais pas, on me tire toujours d'embarras sur Bagatelle 33-33. Sur la route de nos vacances, nous écoutons Intervacances. Sur les chemins de notre été, sur les plages ensoleillées, sans trop penser à la rentrée. France Inter, jour et nuit, c'est la radio que je préfère. France Inter, jour et nuit, c'est la France Inter, une petite tocade interprétée en 1966 par un duo devenu célèbre, bien sûr, Christian et Michel. Enfin bon, quoi qu'il en soit, aurait déclaré Bouteillé, c'est le meilleur de la chanson française et promis, la prochaine fois, je vous le chanterai. Alors certes, ce matin, exceptionnellement, cette émission n'est pas en direct, mais comme toi en ce moment, d'où nous sommes, promis, nous écoutons ce 100e épisode de La Panique consacré aujourd'hui à notre cher diffuseur qu'est France Inter. Et après avoir revisité rapidement l'histoire de ta radio, il est temps dès à présent de t'offrir une petite séquence de nostalgie France Interienne. Oui mon ami, le temps est venu de s'empiffrer de délicieuses madeleines. Avant tout, connais-tu le triptyque fondamental qui constitue depuis des lustres le sel de cette radio si particulière ? Informer, éduquer, distraire, tel est le cahier des charges. Notre mission de service public, définie par le décret du 13 novembre 1987, nous fait obligation par ailleurs d'être un laboratoire d'idées, de représenter tous les courants de pensée, sociales, politiques, philosophiques et religieuses, et enfin de contribuer à la création ainsi qu'à la diffusion de la culture. Résultat, depuis longtemps déjà, France Inter demeure une station de radio réellement différente des autres. Dans notre paysage audiovisuel, Inter réussit ce tour de force exceptionnel d'être à la fois ce qu'on appelle un mass-média, tout en conservant une véritable liberté éditoriale. Cette prouesse s'inscrit dans une tradition incarnée par de fortes personnalités, des producteurs qui sont un peu les gardiens du temple et sans qui cette radio ne serait pas ce qu'elle est. Alors pour mémoire, voici une bande passante de ces maestros. Bonjour, quoi qu'il en soit, bonjour. France Inter, il est 11h05, l'heure du rendez-vous d'Anne Gaillard. Aujourd'hui... Le racisme et le logement. Quels problèmes les immigrés peuvent-ils rencontrer en matière de logement? Leur propose-t-on moins volontiers qu'aux Français des locations à tous les prix et dans tous les quartiers? Eh bien, nous, on va parler d'amour. Ce n'est pas que l'époque s'y prête particulièrement, mais si on cesse de parler d'amour, l'amorosité risque de l'emporter. Merci et à toute allure. Amis de la radiofolie, bonjour, sauf avis de la mère Noël, c'est incontestablement un nouvel épisode de Passer les bornes, il n'y a plus de limites, le Big Mac, Pluricu et Multimed de la France Inter, mais oui. Michel Rocard ne publie pas un nouveau livre. Au contraire, les textes réunis par les éditions Mille et Une Nuits sont parmi les plus anciens de Michel Rocard. Ils remontent à la guerre d'Algérie. Mais pour la première fois, ils sont publiés sous son nom et pas sous pseudonyme. Bonjour Majesté, c'est moi, René le Florentin, votre empoisonneur. Je vous ai apporté les gants empoisonnés. Merci beaucoup Marie Colmont, on vous retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, la cour. L'audience est ouverte, huissier appelé. Le ministère public contre Franquin. Eh bien, je suis là tranquillement avec vous pendant une belle heure, afin qu'ensemble nous parlions du beau ou du grave, du drôle ou du nostalgique, comme toujours au 45 24 7000. 01 45 24 7000, un numéro quasi légendaire pour l'auditeur d'Inter. Cela dit, de notre point de vue, de légende à France Inter, il n'y en a qu'une. Certes, nous venons d'entendre des voix célèbres et familières, des voix qu'on aime, mais dans cette radio, pour nous, il n'y a qu'une seule véritable star, modeste mais géniale, toujours fidèle au poste. Bonsoir, c'est Bernard Renoir. Feedback, l'antidote, est-ce qui se passe en ce moment sur une chaîne de télé? Pour tout vous dire, j'ai un poste de télévision qui est allumé derrière moi dans le studio. Évidemment, le son est coupé. Et pendant que les Three Degrees étaient en train de chanter, j'entendais pas du tout ce qu'elles chantaient, mais ça allait très très bien avec la chanson de Moon Martin qu'on vient d'entendre, qui est Hot Night in Dallas. Feedback. Oui, Bernard Lenoir, c'est un peu notre statue du commandeur. Encore qu'il y en a un autre que nous pourrions placer sur un piédestal. C'est l'ami des proches, bien entendu. Chroniqueur de la haine ordinaire, son talent fut immense et aujourd'hui tout le monde chante ses louanges. Des proches, un écrivain radiophonique, un cynisme salvateur, une élégance dans le potache, très bien. Pourtant, à l'époque, figure-toi qu'aux abords de la maison de la radio, quand il sortait du studio, bien souvent, sa vie ressemblait plutôt à ça. Excusez-moi, je voudrais un autographe. Vous voyez, bien entendu. J'écoute tout le temps votre émission. Je crois qu'il faut être un détraqué pour déballer vos insanités puantes. Vous donnez envie de vomir aux gens 365 jours par an. Ça prouve en tout cas à quel point ils sont maso s'ils continuent à écouter 365 jours par an. Je ne sais pas pourquoi on vous garde à l'antenne. Bien, toutes les personnes que je connais détestent l'émission. C'est simple, elles me donnent envie de balancer ma radio par la fenêtre. Si vous la détestez, pourquoi vous l'écoutez? C'est parce qu'au fond, je vous plains beaucoup et vous devriez avoir honte de vous. Vous n'êtes qu'un pauvre petit connard. Ah, je devrais avoir honte de moi. Ça tient pas debout, ce que vous dites. Vous, vous adorez ce que je fais. Vous en avez besoin. Malheureusement, vous n'avez pas le sens de l'humour. Et ça vous empêche d'apprécier l'émission. Vous serez une perdante toute votre vie, comme tous les gens qui manquent d'humour. Car ça, il n'y a pas de doute, vous n'en avez pas. Salut. C'est toujours la même chose. Être différent et pas pareil, comme pouvait être M. Desproges, ou comme peut l'être parfois France Inter, c'est forcément déplaire ou séduire. Quoi qu'il en soit, laisser indifférent l'auditeur, c'est sans doute ce qu'il y a de pire pour un producteur de radio. Mais bon, quand on s'en prend plein la poire, ici à France Inter, le groupe fait corps. La solidarité est exceptionnelle. Oui, depuis longtemps déjà, France Inter est une grande famille. Et puis en marge des informations sportives et au chapitre du Carnet Rose, sachez que Samantha, l'épouse d'Yvan Levaille, a mis au monde une petite fille baptisée Marika. Oui, vous aviez rectifié de vous-même, c'est Yvan Lendl qui a eu une petite fille. Eh oui, Notre sublime famille est si vaste qu'on ne sait plus parfois qui d'Ivan Levaille ou d'Ivan Lendl vient d'avoir un enfant à France Inter. Ça, c'est la classe internationale. D'ailleurs, l'histoire de notre station se confond souvent avec celle de l'élégance. Car franchement, dis-moi, quelle radio peut se vanter, par exemple, d'avoir eu un truc pareil? Pour oublier le passé et le futur, voici le pop club de José Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici José Arthur. Allonge-toi dans la fourrure, écoute le pop club de José Arthur. L'azur, l'azur, l'azur, l'azur, voici le pop club de José Arthur. Oui, c'est tout simplement hallucinant. Il fut une époque où Serge Gainsbourg lui-même écrivait les indicatifs pour la chaîne. Alors maintenant, toujours dans le registre des perles justement, nous allons faire un petit détour parmi nos confrères de la rédaction qui vont te prouver qu'ils sont parfois capables d'entretenir un véritable esprit potache. Voici donc un petit zapping de la France Inter, montage Flora Bernard, durée 2 minutes 40. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Gorbatchev ça c'est drôle, pas pour réveillonnera-t-il, c'est ça? Gorbatchev réveillonnera-t-il. Retour au préparatif de Noël. Si vous avez décidé de passer un réveillon pantouflard devant la télé, vous aurez le choix entre L'Homme de Rio et L'Homme de l'Ouest, les deux grands films de la soirée. L'Homme de Rio, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul Belmondo, mon Dieu, pourquoi ai-je dit Jean-Paul II? Sans doute à cause de Noël. Ce qui veut dire que Paul Newman, en fait, c'est un personnage un peu atypique, Jean-Luc S. Pardon. Excusez-moi. Enfin, pour terminer ce journal, l'information sûrement la plus importante de la matinée, et je pèse mes mots, des chercheurs américains ont réussi à fabriquer des plants de pommes de terre poilues. Pierre Gantz. Les chercheurs américains ont voulu vérifier sur des insectes l'existence de fantasmes qui entraient, paraît-il, l'esprit de certaines femmes ou de certains hommes, l'attirance pour les systèmes pileux développés. Zut, un problème. Zut, un problème. Mais la morale de cette histoire est sauve, car en fait, ces poils sont des pièges, Philippe. Les gentils insectes gourmands, qui voudraient les caresser de leur mandibule amoureuse, n'y survivront pas. Ces poils sont en effet terminés par une petite vésicule emplie d'une sorte de glu. Au contact de la bestiole, la vésicule s'ouvre et répand la glu qui immobilise l'intruse. Au mieux, le parasite qui s'échappe meurt un peu plus tard. Les pattes et les mandibules paralysées, je vous signale, c'est assez dramatique pour les pucerons à qui ça arrive, il faut pas rire. Il est 5h passé de 31 minutes et... Non, je vous propose de redevenir sérieux un petit peu. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio ce matin. Les chercheurs de l'université Cornell comparent l'effet de leur invention à celui du papier tue-mouche, et cela très très sérieusement. Ils ont obtenu ces patates à poils en croisant les bons vieux tubercules du surparmentier à une pomme de terre sauvage qui pousse en Bolivie, au fin fond de l'Amérique du Sud, bien sûr. France Inter, il est 5h passé de 30 minutes. Le poil ne remplace pas complètement l'insecticide, mais il en limite l'usage. En principe, la commercialisation doit avoir lieu dans une dizaine ou dans une quinzaine d'années. D'ici là, les pucerons auront inventé le rasoir électrique et les fabricants de couteaux l'épluchent l'écume à deux lames. Vous savez, celui dont la première lame saisit le poil de la patate et dont la seconde le coupe avant qu'il ne se rétracte. Rassurez-moi, Pierre, vos poils sont normaux? Oui, et je ne suis pas une patate. Dans ce monde, la réalité. C'est ce que constatait en 2004 le duo malien Amadou et Mariam. La réalité, c'est surtout que sans le boulot des programmateurs musicaux d'Inter, cette chanson ne serait sans doute jamais devenue un tube. Et oui, ta radio est également une authentique défricheuse de talents éclectiques que tu gardes dans le coin de l'oreille. Alors maintenant, pour prolonger notre radioscopie de la France Inter, figure-toi que l'équipe du Mangin Palace a découvert durant ses investigations une information hallucinante. Monsieur Sarkozy, notre président bien-aimé, est personnage récurrent, il est vrai, de nos pérégrinations dominicales, mais bon, c'est tellement un excellent client, celui-là aussi, enfin bref. Toujours est-il que nous avons découvert donc que Monsieur Sarkozy voue une passion sans borne à notre radio. Me croirais-tu si je t'apprenais aujourd'hui qu'en réalité, Nicolas écoute cette station en boucle du soir au matin? D'ailleurs, lorsqu'il était jeune maire de Neuilly dans les années 80, Nicolas Sarkozy avait un rêve. Je rêve de passer sur France Inter. Ça serait une fleur dans ma carrière. Si je passais sur France Inter, ça ferait plaisir à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce serait le bonheur. Et un jour, ce fut le bonheur. Car avec sa notoriété grandissante, forcément, M. Sarkozy fut enfin invité sur France Inter. Dans des émissions politiques, bien entendu, comme celle de Gilbert Denoyant, la célèbre Respublica, mais aussi dans des productions de divertissement, comme L'Oreille en coin, par exemple. Et puis, au fil des années, amoureux sincère de cette antenne, Nicolas a réussi à faire aimer France Inter à toute sa famille. Eh bien, Cécilia Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je voulais vous remercier d'être venu parce que je vous ai demandé il y a quelque temps et puis ça ne s'est pas fait tout de suite, à cause de moi d'ailleurs. Mais je suis très très contente que vous veniez bavarder avec moi ce soir, à cœur ouvert, entre femmes et off politique, bien évidemment. C'est promis. C'est promis dès le départ. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je vous le redis devant le micro, j'ai énormément d'admiration pour la femme que vous êtes. Vous êtes très gentille, ça me touche beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, vous êtes très belle, avec un look très actuel, très actuel. Vous êtes totalement épouse, totalement mère, aussi à la tête d'une famille recomposée comme beaucoup de femmes d'aujourd'hui, très active. Mais vous avez un petit plus encore qui nous fait tout rêver les femmes, c'est votre fabuleuse histoire d'amour qui dure depuis 16 ans avec votre époux Nicolas Sarkozy. Et cette complicité extraordinaire dans la vie comme dans le travail, bon, c'est ce qui nous fait un petit peu rêver, c'est vrai, en plus. Vous avez une très jolie formule d'ailleurs pour résumer votre histoire, vous dites « à nous deux, on est un ». Bon, depuis les choses ont un peu changé, puisque Macha n'est plus à l'antenne notamment. Il n'empêche que Nicolas, lui, continue aujourd'hui d'écouter France Inter, avec la même assiduité et la même passion. Par ailleurs, durant ces dernières années, il fut évidemment invité régulièrement. La dernière fois qu'il est venu nous rendre visite, c'était le 2 mai, dans la tranche matinale de Nicolas Demorand, 3 jours avant son élection à la présidence de la République. Ce matin-là, M. Sarkozy est arrivé tôt, afin d'assister en direct à sa chronique préférée sur Inter, vers 7h20. Alors, moi, je suis Monsieur Sylvestre, président de la World Company. Je me bats pour que le monde mondial il soit de plus en plus riche. Et quand j'y arrive pas, j'appelle le commandant Sylvestre. Hein, commandant. Moi, je suis là pour faire tout péter jusqu'à ce qu'on arrive à nos résultats. Donc, tout allait pour le mieux. Et Monsieur Sarkozy dégustait tranquillement quelques mini viennoiseries en attendant l'interview de Monsieur Demorand à 8h15. Quand tout à coup, M. Sarkozy fut quelque peu déstabilisé, car ce matin-là, Nicolas Demorand était très en forme. Good morning, Vietnam! Non, M. Demorand, vous filez un mauvais coton, je vous le dis. Alors, ça veut dire quoi, ça, exactement, Nicolas Sarkozy? Ça veut dire qu'à 9h, on a le droit de plaisanter. Debout, les enfants, debout, c'est l'heure de l'école. Allez, au pactage, les enfants, au pactage, les chocs. Mais M. Demorand, réveillez-vous. Oh, mais je suis réveillé, enfin. Ce qui est formidable avec vous, c'est que j'ai l'impression pas de répondre à un journaliste, mais de faire un débat avec un homme politique. Mais pas du tout. J'en suis ravi. Eh non, c'est pas un test micro, c'est du rock'n'roll. Nicolas Sarkozy. Jean-Marie Demorand, c'est mon slogan. Ensemble, tout devient possible. Merci Jean-Marie Demorand. C'est Nicolas Demorand. France Inter. Oh la grosse boulette. Le plus grand fan de France Inter venait d'écorcher en direct le prénom du journaliste vedette. Humilié, plus rien ne serait comme avant entre M. Sarkozy et sa radio préférée. Résultat, depuis son élection, tous les soirs il se venge. Il décroche son téléphone et appelle le standard pour faire des canulars. Le téléphone sonne. Allô ? Bonsoir Viviane, vous êtes à Guingamp, vous nous avez envoyé un courriel dans la matinée. Vous êtes, je crois, avocate au barreau de Guingamp. Ah, c'est monsieur la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je ne sais pas si elle va pouvoir venir. Et vous vous interrogez, vous nous interrogez sur, en quelque sorte, les critères qui ont prévalu à la redéfinition de cette carte judiciaire, c'est cela ? Oui, tu lui as fait quelque chose à ma maman. Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pour que je ne sois pas là. 01 45 24 7000. De la même manière, M. Sarkozy fait appeler des amis à lui le matin maintenant, afin qu'il pose de fausses questions aux standardistes pour ensuite essayer de déstabiliser Nicolas Demorand à l'antenne. Franchement, c'est ridicule. À la radio, tout le monde sait que c'est lui, hein, maintenant. Ouais, vraiment, une radio de merde, une radio de merde. Elle a du matériel de merde. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. C'est pas vrai. On a un matériel de merde, il date de 1952, c'est pas possible. Pas vrai. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Ouais, vraiment, une radio de merde, une radio de merde. Mais figure-toi que l'amour de M. Sarkozy pour France Inter est tel qu'il a fini par passer l'éponge ces dernières semaines. Résultat, pris de remords, Nicolas veut désormais rendre service à notre antenne. Il s'est souvenu notamment que Serge Gainsbourg avait écrit un sublime indicatif pour José Arthur et son pop club. Eh bien, pour la prochaine rentrée de janvier, Nicolas n'a pas hésité. Il a fait de même pour l'émission de Daniel Mermet afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Seule la lutte qui dort. Là-bas, trompons-nous et demain. Là-bas, la terre d'un sillonneur sera le jour primant. C'est pour ça que j'irai là-bas. Ensuite, M. Sarkozy s'est également penché sur la grille des programmes du week-end, afin de voir si, là aussi, il pouvait proposer quelques aménagements dans l'espoir d'optimiser l'antenne. Quand tout à coup, il est tombé sur une émission qu'il ne connaissait pas encore, dis donc. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au... Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va vous débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein ? Bonne soirée, hein ? Bon, alors il paraît que M. Sarkozy aurait proposé cette semaine de nous remplacer lui-même dès début janvier pour réaliser enfin son rêve, devenir producteur sur France Inter. Une émission au concept révolutionnaire, paraît-il, en co-animation avec Rachida Dati. Et figure-toi qu'en ce moment, ils y travaillent tous les deux. C'est quoi comme émission ? C'est la meilleure émission des 10 dernières années. Une idée géniale. Forcément, hein, sinon, il n'aurait jamais payé, quoi. Bah, c'est facile, alors, il n'y a que 6 mètres. Oui, il faut que je m'y mette très fort. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de ce que ça peut être, cette idée. Des fois, je regrette, hein. J'aurais jamais dû faire génie. C'est épuisant. Bon, devant l'ampleur du chantier, M. Cluzel, notre président à nous, a su résister aux pressions politiques et a priori, il nous a dit que nous devrions être là jusqu'à la fin de la saison. Résultat, nous allons continuer à décliner les aventures du petit Nicolas, ce prénom fait de 4 consonnes et 3 voyelles. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, mes nuits sont blanches, et pour toujours, J'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui et mes nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage et ses paroles sont de velours, de sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. C'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille. Ça le fait rire comme un soleil. Raphaël, un autre tube venu tout droit de la playlist de France Inter, millésime 2002. Car la radio, c'est bien connu, à Paris, elle est diffusée du haut de la tour Raphaël. Le journal Patrice Bertin. Alors maintenant, pour poursuivre notre centième flânerie dominicale, aujourd'hui consacrée à France Inter, il est grand temps de retrouver nos deux héros radiophoniques, les onduleux Monique et Jean-Claude. En effet, cette semaine, Monique et Jean-Claude ont assisté à l'enregistrement du jeu des 1000 euros de passage à Grosboule-les-Bains pour une spéciale jeune. Avec bien sûr tous les amis fidèles et les nouveaux venus, toujours les bienvenus. Jean-Claude, fasciné par le monde merveilleux de la radio, a profité de l'occasion pour demander à Louis Boson à quoi peut bien ressembler la vie d'un producteur de radio. Ma vie n'est devenue plus rien qu'un long chemin, qu'une longue fugue qui ne mène à rien. Mais m'arrêterai-je un jour plus tard? Mais m'arrêterai-je un jour quelque part? Moi qui roule, roule, roule vers mon arc-en-ciel. Bon, d'accord. Jean-Claude et Monique décident donc de rouler jusqu'à Paris afin de se rendre compte par eux-mêmes à quoi peut bien ressembler un producteur de radio. Et pour ne pas se perdre, sur la route qui mène à France Inter, Jean-Claude a repéré le trajet dans son carnet de campagne. Après avoir passé la périphérie de Paris, au carrefour de l'Odéon, il faut prendre la rue des Entrepreneurs, puis traverser le pont des Artistes, sous lequel passent les petits bateaux. Et ensuite, il faut garer sa caisse au parking de nuit. Arrivé à la Maison Ronde, Jean-Claude et Monique aperçoivent la queue des auditeurs venus assister au Fou du Roi. Jean-Claude fait alors l'interception de l'un d'eux et lui demande s'il a déjà vu des gens célèbres autour de Radio France. Et le type lui répond que... Tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois ça. Oula. On aura tout vu autour de la Maison Ronde. Mais Monique et Jean-Claude ont beau regarder autour d'eux, ils ne reconnaissent aucun producteur. Ils sont bougons. Ce n'est pas qu'ils ont l'esprit critique, mais comment reconnaître un producteur de radio puisqu'on ne voit jamais son visage? Et puis surtout, la pollution parisienne agresse le Jean-Claude qui éternue sans arrêt. Monique a beau dire que c'est le pollen, Jean-Claude lui affirme que non, c'est le CO2, mon amour. Quand tout à coup, Jean-Claude aperçoit un type bizarre et lui demande s'il cherche lui aussi à rencontrer des producteurs de France Inter. Mais le type répond que... Je suis passé à la radio, pas franchi la porte, j'ai pas franchi le mur du son. Vous n'entendrez pas ma chanson, elle reste sur le paillasson. Quoi ? Se dit Jean-Claude, ce type, cet électron libre là, c'est donc un grand concert de Radio France à lui tout seul. Jean-Claude lui demande alors quel est son genre musical. Je suis le chanteur français, nouvelle génération, le nouveau king de la chanson. Je chante pas, je sais pas, comme je n'ai pas de voix, je n'ai pas le choix, je fais n'importe quoi. La la la, la la la, la la la la la la, car c'est ça qu'il faut faire pour passer sur France Inter. Je joue avec les mots, ça plaît aux intellos gogo. Les mots, les motos, les vélos, les veaux, les pots, les popos, les roploplos. Monique se dit que tout de même, la playlist de France Inter est plus éclectique et plus cosmopolitaine que ça. Nonobstant ces considérations sur le système disque, et comme Monique et Jean-Claude ne veulent pas passer la nuit là, sous les étoiles exactement, ils expliquent à ce chanteur qu'ils souhaitent rencontrer des producteurs ou des journalistes de France Inter. C'est alors que le chanteur indique à Jean-Claude que le type là-bas, qui passe avenue du président Kennedy, eh bien, c'est Stéphane Paoli. Jean-Claude se précipite alors vers le présentateur du 7-9 du week-end et lui dit qu'il ne l'imaginait pas du tout comme ça. Mais Stéphane Paoli lui répond que... On a tous même apparence, un nez, deux yeux et deux oreilles, malgré de petites différences, au fond, on est bien tous pareils. On a son petit cœur qui bat comme tout le monde, on soupire souvent tout bas comme tout le monde, par l'amour on est mordu comme tout le monde, 15 jours après on n'y pense déjà plus comme tout le monde. Mais alors, si les présentateurs et les producteurs de la radio sont comme tout le monde, comment Monique et Jean-Claude vont-ils faire pour les reconnaître ? Eh bien, Stéphane Paoli leur dit avec son franc-parler qu'ils n'ont qu'à regarder autour de « Tiens, ici, il y a Isabelle Giordano, et là-bas, si j'y suis pas, c'est donc Nicolas Demorand. » Monique se précipite alors aussitôt sur le présentateur du 7-10. Pendant que Monique est en train de faire son studio théâtre à Nicolas Demorand, Jean-Claude, lui, se précipite vers Isabelle Giordano, avec qui il aimerait depuis longtemps passer un 5-7. Isabelle rentre dans un ascenseur et Jean-Claude n'a pas d'alternative. Il monte avec elle. Isabelle lui demande à quel étage il va. Au pif, il répond au 3e. Dans l'ascenseur, il y a une musique d'ambiance, du jazz. Jean-Claude sent une osmose s'installer entre eux. Et il avoue à Isabelle Giordano que... Femme qui parlait dans les radios, on devine derrière vos voix des yeux, des visages, des seins, des jambes, une façon de respirer, de porter la poitrine, la façon dont elle se soulève pour faire penser à la mer. Parfois, il vaut mieux n'entendre que les voix et ne pas vouloir voir le visage, ne pas vouloir percer le secret. Laissez parler les voix par le masque de la radio. Pour Jean-Claude, l'affaire est dans le sac. Enfin, dans le pochon, quoi. Isabelle Giordano, elle, un peu surprise, dit à Jean-Claude qu'elle ne ressent pas les mêmes Bully Bye Vibrations. Alors, ciao. Ils se reverront peut-être ailleurs, au détour du monde, mais que s'il continue, elle va lui mettre la tête au carré. Jean-Claude est assez triste. Il est peinot. Perdu dans les locaux de France Inter et de désespoir, Jean-Claude se rend directement au bureau de rendez-vous avec X. Vous n'auriez pas eu des commandes un peu spéciales ces derniers temps ? Ah, des commandes suisses. Et les cassettes porno. Ça, c'est ma femme qui s'en occupe. Moi, c'est bien simple, j'ai même pas le droit d'y toucher, alors. Il est très tard. Jean-Claude erre l'humeur vagabonde dans les locaux de France Inter. Il fait nuit maintenant, c'est le noir. Jean-Claude aperçoit alors un type déjà debout ou pas encore couché. D'ailleurs, Jean-Claude est subjugué. À France Inter, il y a sans cesse quelqu'un sur le pont. Parce que Pierre veille, bien sûr. Mais Jean-Claude cherche toujours le producteur des ondes qu'il traque depuis ce matin. Mais comment t'atteindre, oh, sensuel, toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel pour nous lier jusqu'au ciel? Jean-Claude erre donc dans les locaux de France Inter depuis plusieurs heures. Maintenant, il a faim et il entre dans le bureau de Chris pour commander un crumble. La productrice se dit que c'est une histoire à dormir debout. Elle ne va pas lui faire un crumble à bouffer. Enfin, ça ne se bouffe pas, ça se mange d'ailleurs. Et pourtant, elle tourne le dos à Jean-Claude. C'est à ce moment-là que Jean-Claude est entré dans le bureau 328 avenue du Général Mangin, là où se fabrique la panique au Mangin Palace. Et Jean-Claude, comme il se doit, se sent chez lui ici. Philippe, c'est toujours un bonheur de te retrouver. Tu as vraiment renouvelé l'humour en France, je crois. Ton humour, ton esprit, ta générosité immense, ton bonheur d'être sur un plateau et de donner la joie autour de toi. Raymond DeVos te rendait hommage. Il disait sans lui, rien n'aurait existé. Il fait marrer tout le monde. La fille de la météo, pareil. Bon, aujourd'hui, un nouveau sketch. C'est le sketch de Philippe. Je lui laisse la parole. Bon ben, je reprends donc la parole. Merci Jean-Claude, mais il faut pas exagérer non plus, hein. Jean-Claude pose cependant une question. Pourquoi sur le site internet de la panique au Mangin Palace, toute l'équipe a le masque, mais pas la plume? C'est alors que Monique déboule dans le bureau et dit à Jean-Claude qu'il ne devait pas poser cette question. Jean-Claude acquiesce. La prochaine fois, il la chantera. Voilà, nous voici donc arrivés au terme de ce fil de l'histoire en moins de 2000 ans, dis donc. Monique a savouré cette journée à France Inter, mais tout de même, dans la voiture sur le chemin du retour, elle dit à Jean-Claude... Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Non, il n'est que 5h du matin, mais tu me réveilles. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Sinon, les voisins très bientôt te diront pareil. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. J'étais en train de rêver. Je dormais en paix. Ça ne pouvait pas durer. Tu me l'as prouvé pour ne pas changer. 7h du matin, à nouveau, je te dis déjà. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Chanter les derniers succès. Autant que toi, moi j'aime Christophe, j'aime Claude François, Hervé Villard et aussi Sheila. J'aime les Beatles et tutti quanti. Oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Je t'en supplie, baisse un peu. Baisse un peu la radio, sinon, passer les bornes, il n'y a plus de limite. C'est ce que réclamait en 1966 la diva Dalida. Cela dit, si tu aimes monter le son, eh bien, libre à toi et laisse-le fort, Gérard. France Inter. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration sur les ondes de France Inter. De l'émetteur d'Aloui à ta radio à toi, de Cécilia chez Macha à Jean-Claude chez Chris, et de l'avenue du président Kennedy au Mangin Palace, nous t'avons offert ce matin un panorama forcément incomplet et totalement subjectif, car de parti pris, de ce que peut être cette chaîne de service public radiophonique. Alors, pour finir, une fois n'est pas coutume, un petit message personnel. Tout d'abord, à l'occasion de ce 100e épisode, vous remerciez toutes et tous pour votre fidélité tenace au Mangin Palace.